unité pour le pays. Unité nationale. Réconcilier le pays. Unité nationale. Tout le monde. Réconcilier tout le pays. Unité nationale. En ananyong en kele. Unité nationale. En ananyong en jeraki. Unité nationale. Angana bana vale tu. Unité nationale. Anyeke yera woro, yera woro, yera woro. Wanyeke yera woro, yera woro, yera woro ye. Wanyeke yera woro, waipa. Beyonga no. Unité nationale. Unité nationale. Est-ce que ça va? Dios te salve.